Au départ, c'est un space opéra dans la lignée du succès de Star Wars, diffusé à partir de 1978 sur le réseau ABC aux États-Unis. Malgré une première saison plutôt bien accueillie, la production s'arrête dès la première année. Après une tentative ratée de retour en 1980, il faudra attendre le début des années 2000 pour que l'idée d'un remake fasse son chemin. Le premier projet de ce remake va être avorté suite aux attentats du 11 septembre, qui vont conduire à un profond remaniement de la nouvelle série, avec un nouveau showrunner venu de Star Trek, Ronald D. Moore, pour qu'en 2003 renaisse de ses cendres Battlestar Galactica, un chef-d'œuvre de la science-fiction télévisuelle. Battlestar Galactica, meilleure série SF de la galaxie, c'est le fracking programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans ce numéro spécial de la méthode scientifique. Oui, depuis le temps qu'on vous la promet cette émission, il fallait mettre les petits plats dans les grands. Générique spécial pour cette émission donc consacrée à Battlestar Galactica, à l'issue duquel tous les doutes seront levés. Vous comprendrez pourquoi cette série, en 4 saisons et plusieurs téléfilms, webisodes, spin-off, est ce qui se fait de mieux en matière de science-fiction télévisuelle. Et pour vous en convaincre, Jean-Claude Audin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en intelligence artificielle, auteur de Robots et Avatars, c'est chez Odile Jacob. Bonjour Média Chouche. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Lyon 3 en civilisation américaine et études culturelles. On vous doit notamment l'article Battlestar Galactica et la politique fiction américaine. On attend vos commentaires, vos questions, vos réactions en direct sur Twitter avec les hashtags Battlestar Galactica, la METSI sur notre compte évidemment, @laméthode. FC. Mais avant de partir à la recherche de la 13e colonie et de découvrir qui dans ce studio est un Cylon à apparence humaine, tiens, mais peut-être que c'est Natacha Triou. C'est l'heure du journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour. Et on commence ce journal avec cette étude parue dans la revue Nature. Il existe un lien entre pollution de l'air et fausses couches silencieuses. Ce qu'on appelle les fausses couches silencieuses, ce sont les grossesses qui échouent lors du premier trimestre. Alors cette étude, c'est une vaste étude épidémiologique chinoise menée par les chercheurs de l'université de Pékin. Ils ont recoupé les informations médicales de 255 000 femmes enceintes dans cette ville entre 2009 et 2017. Alors toutes ces informations ont été recroisées avec les données des stations de surveillance de la qualité de l'air, avec les taux de concentration des particules fines, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et de l'ozone. 6,8% de ces femmes ont vécu une fausse couche. L'étude montre que plus l'exposition à ces substances est forte, plus le risque est élevé. Niveau d'éducation, profession, lieu de travail et lieu de résidence ont été pris en compte. Mais l'étude présente des limites, car elle ne prend pas en compte des biais majeurs, notamment si les mères sont fumeuses ou non. Bénédicte Jacquemin est épidémiologiste à l'INSERM, associée à l'IRSET, l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail. En grande majorité, les grossesses non évolutives sont dues à des risques génétiques, mais il y a une partie aussi qui est due à des risques environnementaux. Et donc ici, en Chine, ils ont la chance d'avoir accès à d'énormes bases de données avec énormément de patientes, ce qui donne accès à une puissance statistique que l'on n'aurait pas dans d'autres contextes. Ils donnent quand même quelques hypothèses. C'est-à-dire que la pollution atmosphérique cause de l'inflammation et l'inflammation, elle est systémique et l'inflammation utérine et tout ça pourrait avoir des effets sur le bon développement et déroulement et fonctionnement du placenta. Après, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les particules fines et ultra fines, elles peuvent même traverser la barrière placentaire et arriver jusqu'au fœtus aussi. On ne peut pas donner des conclusions basées sur une seule étude. Pour ça, il faut avoir plus d'études dans différents contextes qui nous permettent de mieux comprendre les effets de la pollution atmosphérique. Donc ça, c'est une étude de plus qui a pas mal de limites, comme on l'a dit précédemment, mais qui est quand même basée sur une grande quantité de patientes et qui, en plus, montre des résultats quand même assez clairs d'un effet plus la concentration est élevée de plusieurs polluants, plus le risque de grossesse non évolutive est élevée. Tout ça doit contribuer au fait qu'il nous faut des politiques de santé qui aillent vers une diminution des expositions à la pollution atmosphérique. En bref, dans la revue Cell, des embryons artificiels de souris ont été fabriqués sans sperme ni ovule. Des embryons artificiels qui parviennent à se développer dans un utérus, c'est une première. Dans les expériences passées, l'implantation utérine s'est toujours soldée par un échec. Les chercheurs de l'université du Texas ont créé ces fœtus de souris à partir de cellules souches pluripotentes étendues, reprogrammées en trois types de cellules embryonnaires. Mais lors de leur croissance, les fœtus portaient des malformations majeures. On est donc encore loin de pouvoir créer des embryons de cette façon. Selon une étude parue dans The Journal of Geophysical Research, les glaciers de l'Antarctique libèrent des résidus radioactifs qui viennent des essais nucléaires des années 50. Et en moins de 20 ans, les États-Unis ont enclenché 230 détonations d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique. Dans des carottes de glace prélevées sur un glacier américain, une équipe française a découvert du chlore 36, un isotope radioactif. Pour déterminer comment le chlore 36 se comporte dans le temps, ils ont ensuite prélevé différentes carottes de glace de plusieurs époques et régions. L'étude suggère que le chlore 36 serait plus mobile que prévu, allant des profondeurs vers le haut. Ces travaux rappellent l'impact durable des armes nucléaires sur l'environnement. Et cette semaine, dans le Journal des Sciences, tout au long de la semaine, Natacha, il était question d'un nouveau prototype de détecteur de neutrinos, de l'élaboration du premier utérus artificiel pour les grands prématurés, de la régénération du cartilage humain, ainsi que de la différence entre les hommes et les femmes chez la dépression, mais également cette semaine, Natacha, en ultra bref. Pour son projet Starlink, SpaceX, la société d'Elon Musk, veut lancer 30 000 satellites supplémentaires, en plus des 12 000 satellites initialement prévus. L'Union internationale des télécommunications qui distribue ces autorisations devrait trancher ces prochaines semaines. Cette saturation du trafic spatial inquiète la communauté scientifique. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'année 2018 est une année record de dépôts de brevets. Il y a eu 3,3 millions de demandes de brevets dans le monde. La moitié de ces demandes viennent de Chine. Avec le Japon et la Corée du Sud, l'Asie est le centre mondial de l'innovation. Et enfin, en ultra bref, des géologues ont trouvé au Maroc des fossiles de trilobites, des arthropodes marins vieux de 480 millions d'années, alignés en file indienne les uns derrière les autres. Cette découverte signifie que les premiers comportements sociaux entre les animaux sont apparus tôt après l'apparition du vivant. Et puisque nous sommes vendredi, on passe au journal de la SF comme tous les 15 jours. Avec cette information, Natacha, pour commencer, un chercheur a recalculé les vitesses de déplacement de l'Enterprise, le vaisseau de Star Trek, et elles sont non seulement décevantes, mais fausses. Oui, c'est le constat de James O'Donogh, un ancien de la NASA, qui travaille actuellement pour l'Agence spatiale nationale japonaise. Il s'est demandé quel temps mettrait vraiment l'équipage de Star Trek à traverser le système solaire. Dans la série, le vaisseau spatial se déplace à la vitesse de la lumière. Rappelons que c'est impossible. Il est équipé de plusieurs warps, de plusieurs facteurs de propulsion exponentielle. James O'Donogh a retrouvé le manuel de 1991, publié par les deux conseillers techniques de la série, un manuel qui contient des chiffres précis et qui donne des lois de distorsion. Il a ensuite recalculé ces différentes vitesses avec les distances que l'on connaît, entre le Soleil et Pluton par exemple. Ces résultats viennent d'être publiés dans une vidéo démonstrative. Stéphane Mazouffre est directeur de recherche au CNRS, physicien des plasmas et spécialiste en propulsion spatiale. C'est frustrant de voir à quel point le vaisseau se déplace si lentement sur sa petite vidéo et qu'il faut attendre vraiment d'avoir ce qu'ils appellent les facteurs de repliement qui soient très élevés pour l'avoir un petit peu traversé l'écran en quelques secondes. Et à partir de ces lois qu'il a trouvées dans le manuel de référence, il a pu recalculer les vitesses et donc en déduire le temps qu'il fallait pour aller visiter les diverses planètes, étoiles ou galaxies. Si on voyage à la vitesse de la lumière, combien de temps il faut en fait pour y aller? Alors vous allez mettre par exemple 8 minutes, un peu plus de 8 minutes pour aller sur le Soleil. Bon, ce qui peut sembler court, mais le Soleil c'est déjà très loin. Après, pour aller sur Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche de la nôtre, il faut déjà plus de 4 ans. Pour sortir de notre galaxie, donc de la Voie lactée. Donc là, je pense qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'années. Je ne connais pas par cœur sa taille. Ce qu'on voit dans les films, c'est qu'ils mettent longtemps eux aussi pour y aller, malgré leur capacité à aller plus vite que la vitesse de la lumière, voire des milliers de fois plus vite, avec le facteur de repliement là, de 9,9. C'est ce que montre très bien sa petite vidéo, c'est-à-dire que pour aller d'une étoile à une autre ou d'une galaxie à une autre, même eux, il leur faut beaucoup de temps en fait. Que même avec des technologies très élaborées qu'on n'a pas à disposition aujourd'hui, on n'ira jamais très très loin en peu de temps. Et en bref, de science-fiction, Margaret Atwood a remporté le Booker Prize 2019. L'auteur canadienne a été récompensée pour Les Testaments, la suite très attendue de La Servante écarlate, la dystopie vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. Les Testaments vient d'ailleurs de sortir cette semaine aux éditions Robert Laffont, et ce n'est pas la première fois que l'écrivaine remporte ce prestigieux prix littéraire britannique. Elle l'avait déjà reçu il y a 19 ans pour son roman historique, Le Tueur aveugle. Les toutes premières versions d'Harry Potter étaient en réalité beaucoup plus longues que ce qu'elles n'ont été publiées en France. Oui, au départ, dans les trois premiers tomes des versions françaises, pour ne pas faire peur aux jeunes lecteurs, les éditions Gallimard ont coupé des passages entiers, des paragraphes humoristiques, des descriptions, etc. Mais depuis la sortie du tome 4, les rééditions sont dorénavant complètes. Oui, c'est J.K. Rowling, la nouvelle Dostoïevski contemporaine. Bref, le réalisateur David Cronenberg va réaliser une série pour Netflix. Là, cela fait depuis 2014 que le cinéaste n'a rien réalisé. Et pour Netflix, il va adapter son roman Consumé en français, publié en 2016 aux éditions Gallimard. L'histoire d'un couple de photoreporters en quête de sensations fortes. Le projet est actuellement en pré-production. Et pour finir, les Utopiales, le festival de science-fiction à Nantes vient de publier son programme. La 19e édition se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2019, avec comme thème cette année codé, décodé. En tout, plus de 200 invités sont en rendez-vous, parmi lesquels Ada Palmer, Thaddée Thompson, Alain Damasio, Catherine Dufour. Le programme est à retrouver en ligne à l'adresse www.utopiales.org. On met le lien, bien sûr, et comme chaque année, nous serons aux Utopiales pour différentes émissions en public, ainsi que d'autres programmes de France Culture, comme la conversation scientifique ou le tout nouveau rayon BD du camarade Victor Massé de l'Épinay. Et pour conclure, comme chaque semaine, la rubrique de science improbable avec un cas rare et douloureux, Natacha, en urologie, qui nous est rapporté par la revue Urology Case Reports. Messieurs, éloignez-vous du poste. C'est un patient de 22 ans, s'est présenté aux urgences d'une clinique en Arabie Saoudite. Le jeune homme avait une pince à épiler de 8 cm coincée dans l'urètre. Cela faisait 4 ans qu'elle était introduite ici. Le plus curieux est que cela aurait dû être extrêmement douloureux, mais que le patient ne s'est plaint d'aucun symptôme. Pour les docteurs, c'est un mystère, et dans la littérature médicale, c'est une première. Et voilà, merci beaucoup, pas merci du tout, Natacha. Le journal des sciences que vous pouvez retrouver chaque jour dans la méthode scientifique, et puis tous les liens vers les études sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. C'était le 18 octobre 2004, il y a donc exactement 15 ans aujourd'hui, que résonnaient pour la première fois à la télévision britannique les notes de ce générique, celui de la toute première saison de Battlestar Galactica, remake de la série de Glenn Larson de 1978, ouvrant une toute nouvelle ère de science-fiction télévisuelle pour 4 saisons, dont une dernière à la fin un peu précipitée, on en reparlera, plusieurs téléfilms qui s'insèrent entre les différentes saisons, des webisodes, des suites en série, un film, toutes plus ou moins avortées, ces suites, jusqu'au prochain projet de relance de cet univers qui est apparu il y a quelques semaine, une série pilotée par Sam Esmail, qui est l'auteur de l'excellente série Mister Robot, qui devrait voir le jour a priori au mois d'avril prochain. Alors que s'est-il passé entre le Galactica original et son remake des années 2000? Pourquoi cette série est-elle considérée comme un chef-d'œuvre presque inégalé en matière de SF télévisuel? Et le tout avec un défi que je pose immédiatement à mes deux invités, Jean-Claude Dedin et Mehdi Achouche. Nous avons 50 minutes, un peu moins, de discussion devant nous. Je vous engage à ne dévoiler aucun élément clé de l'intrigue après le pilote de la mini-série originale. Est-ce que vous relevez ce défi, Jean-Claude? On va essayer de relever le défi, mais c'est un vrai défi. On peut parler de la suite, mais pas de l'élément clé de l'intrigue. Mélia Chouche, on va faire notre mieux. So say we all. Alors on remonte à la source. Le Galactica original, celui de Glenn Larson, qu'est-ce que c'est? 1978, on est dans un contexte de SF très particulier, Mehdi Achouche, évidemment, quand ça sort à la télévision. Oui, Star Wars est sorti l'année précédente, et donc évidemment, c'est une série qui cherche à capitaliser sur Star Wars et à donner plus de Star Wars aux jeunes téléspectateurs. Jean-Claude Dedin, cette série finalement, qu'est-ce qu'elle est? Elle pose un certain nombre d'éléments qui vont être la mythologie, puisqu'on va essentiellement évidemment parler du remake des années 2000. Il y a quelques éléments qui sont néanmoins vraiment très très marqués, comme toutes les séries SF de cette époque. Une chose qui la différencie en particulier d'autres séries et dans le domaine de la science-fiction, c'est l'omniprésence des créatures artificielles qui jouent un rôle central dans cette série. Et en fait, il recycle une vieille histoire qui est la révolte des machines, qui date quasiment du 19e siècle et qu'on va retrouver ensuite dans énormément de textes et de romans de science-fiction. Mais à partir de cette vieille idée de la révolte des machines, ils vont produire quelque chose qui sans précédent. Et avec le succès qu'on lui connaît. Pourquoi sans précédent ? Quels sont les points forts de cette première version qui a eu un succès d'estime, mais qui a dû s'arrêter au bout d'une saison, d'ailleurs, Mediachouche ? Oui, il faut dire que les années 70, on a beaucoup, finalement, on a plusieurs films qui sortent comme ça, qui parlent de la révolte des machines, de la confrontation à la machine, depuis 2001, en passant par Westworld en 73, à Galactica, et puis on a aussi ça dans Star Wars, évidemment, donc c'est un sujet qui parle beaucoup à l'époque, on aime se faire peur, et par contre, c'est très manichéen. C'est le bien, le mal. Voilà, exactement. Ce sont les héros purs et durs, tandis que les méchants robots sont très méchants. Un des personnages robots s'appelle Lucifer, d'ailleurs. Enfin, tout est clair. Ouais. Tout est interprété, d'ailleurs, par Lucifer, qui est interprété par Chapeau le Melon de Bottes de Cuir. Oui, Patrick McNee, c'est ça. Voix, oui. Exactement. Ce qui est intéressant, il y a quand même quelques différences notables, notamment le fait que les Cylons, donc qui sont les robots, l'intelligence artificielle, ont été créés par une race extraterrestre aujourd'hui éteinte. Ça va différencier avec la seconde version des années 2000. Les robots dans la première version sont assez classiques. Hein. Ils sont des boîtes de conserve. Boîtes de conserve. On les appelle les toasts. D'ailleurs, pour essayer de les dégommer, et on se pose la question s'ils ont une conscience ou pas de conscience. En fait, dans cette première version de la série, on retrouve un peu les poncifs, je dirais, des robots et de la révolte contre ces machines. On peut dire peut-être un mot aussi d'un personnage qui va être très important dans le remake et qui là est un archétype total, c'est le personnage du comte Baltar, qui est vraiment le grand méchant, vraiment démoniaque, qui a trahi l'humanité et qui veut, Mediachouche, finir par exterminer donc ces survivants du Galactica. Oui, c'est le stéréotype du traître par excellence, celui qui a vendu toute l'humanité pour son propre bénéfice et qui s'en mord les doigts ensuite d'ailleurs, car il se rend compte que c'était pas forcément une très bonne idée. C'est l'aristocrate, évidemment, celui qui se place au-dessus du peuple et qui pense qu'il peut tirer les ficelles et qui est très différent finalement du Baltar qu'on aura dans le remake, et c'est un des grands points forts du remake, évidemment. Peut-être on peut dire un mot rapide sur Glenn Larson, qui va revenir d'ailleurs à la production, en tout cas derrière, dans les coulisses du remake des années 2000. Jean-Claude Hénin. Ou pas. Oui. Ou pas. Non, je sais pas, Mediachouche, un mot de... Oui, Glenn Larson, années 70-80, il fait Galactica, il fait Buck Rogers. Buck Rogers juste après, oui. Il essaye de à nouveau capitaliser sur Star Wars, et puis surtout, années 80, il va participer à Magnum. Il va K2000 faire, également. K2000, Manimal, enfin, des grandes séries comme ça, enfin, des grandes séries, des séries populaires célèbres. Oui, des vraies séries populaires de science-fiction. Oui, des séries de genre, voilà, tout à fait, ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, et puis, bon, ça va poser la question du remake, ce Galactica original, on passe sur le Galactica 1980, qui est une sorte d'accident industriel total, qui est d'un ringard, ils sont arrivés sur Terre, enfin bon bref, on passe là-dessus, on aura d'autres choses plus intéressantes à raconter, mais néanmoins, ce Galactica 78, c'est un bon space opéra qui va rester dans les mémoires comme une bonne série de science-fiction populaire et ce qui va peut-être donner l'envie ensuite de réexploiter cette franchise. Ah oui, tout à fait, moi j'étais enfant, je regardais cette série dans les années 80, j'adorais, c'était le Star Wars que je voulais voir toutes les semaines. Chaque semaine à la télévision, tout était parfait. La technologie, les combats dans l'espace étaient bien faits. Il y avait des bonnes maquettes, etc. Ça tenait la route. Donc le dedans. Oui, et puis la postérité, on retrouve des classiques. Alors d'ailleurs, par exemple, le personnage de Starbuck dans la première série, il est masculin. C'est le petit blond. C'est un espèce d'Indiana Jones. D'ailleurs, tous ces parallèles avec les, j'irais les séries de George Lucas, enfin les séries, les films de George Lucas vont créer une tension extraordinaire qui va finir dans des conflits réels et juridiques, hein. Mais les héros sont effectivement très manichéens et on y prend quand même néanmoins beaucoup de plaisir. Alors nous sommes extrêmement attendus et suivis par nos camarades fans de Battlestar Galactica sur Twitter, et notamment un podcast français consacré à Battlestar Galactica qui s'appelle Galactifrac, que je vous enjoins de suivre, qui est un très bon podcast et qui nous dit que j'ai dit une énormité. Ce ne sera pas la dernière, je vous le rassure. J'en ai un certain nombre à mon compteur. Lucifer n'est pas interprété par Patrick McNee, mais par Jonathan Harris de Perdu dans l'espace. C'est donc une erreur, mais pourtant il y a bien. C'est méchant, McNee. En fait. C'est parce que Lucifer, c'est un des pires qui seconde en fait le grand méchant dont la voix est faite par Patrick McNee. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et toujours sur cette magnifique musique de Bear McCreary qui signe à partir de la saison 2 la BO de Battlestar Galactica, sur laquelle on reviendra d'ailleurs tout à l'heure parce que je pense que cette musique a aussi marqué beaucoup l'univers. Elle est très atypique pour de la musique de science-fiction. À partir de quand revient Mehdi Hachouch dans les tuyaux l'idée de relancer cette franchise Galactica? Elle n'a jamais quitté en fait les tuyaux, ils ont toujours tenté. Déjà en 1980 donc avec la fameuse nouvelle mouture. Et puis dans les années 80-90, il y a plusieurs tentatives. Il y a Richard Hatch notamment qui joue Apollo, qui s'est passionné pour la série, qui a écrit plusieurs romans et qui s'est vraiment battu pour essayer de relancer la machine et peut-être faire un film. Il y a Bryan Singer également qui avait essayé dans les années 90. Richard Hatch qui va d'ailleurs avoir un rôle très important dans la série, on va en reparler. Oui, absolument. Donc Singer également dans les années 90, puis comme vous l'avez dit, le 11 septembre, etc., va à nouveau annuler l'affaire. Mais je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de période où il n'y avait personne qui essayait de relancer Battlestar. Jean-Claude, non ? Pourquoi relancer cette franchise à tout prix ? On aurait pu vouloir relancer Buck Rogers, par exemple. Moi, ce que je pense, c'est que il y avait tous les ingrédients dans la série initiale pour faire un grand space opéra, et donc c'était effectivement tentant de reprendre ces ingrédients et de les porter à un vrai niveau, ce qu'ils vont réussir, parce que dans le remake, on passe à un niveau de métaphorique, mythologique et avec toutes les interprétations qu'elles vont suggérer, extrêmement, extrêmement important, ce qui va faire le succès indéniable de la série par la suite. Alors ce succès, il est aussi dû à quelqu'un qui arrive dans le projet. Donc effectivement, on va pas trop rentrer dans le détail, mais il y a ce projet, il y a deux projets. Il y a un projet porté par Sci-Fi, un projet plus britannique, il y a un projet qui est abandonné après les attentats du 11 septembre. Et Sci-Fi Channel donc relance son chantier début 2002 et fait venir, et ça va compter énormément, Ronald D. Moore, qui lui ne vient pas de Star Wars, mais vient de Star Trek et peut-être du meilleur de ce qu'a produit Star Trek et des différentes séries Star Trek, Mehdi Hachouch. Ah oui, tout à fait. Il a commencé dans Star Trek avec Star Trek La Nouvelle Génération. Il a été scénariste, puis ensuite il a été producteur. Faudrait qu'on fasse un numéro de la méthode scientifique aussi, juste sur Nouvelle Génération, tellement c'est... Ah oui, c'est très, une série très, très importante, évidemment. Ouais. Et donc c'est là qu'il a fait ses armes. C'est là que, de son propre aveu, il a tout appris sur l'écriture, sur la production. C'était un grand fan de Star Trek avant d'arriver derrière les coulisses. Puis il a travaillé ensuite sur Deep Space Nine dans les années 90. Et ensuite, il a essayé de travailler sur Voyager. Mais ça n'a pas bien marché. Il a été très frustré du projet. Et c'est en réalité cet échec, quelque part, qui l'a mené à créer Galactica, qui est un peu son Voyager à lui. Et puis cette volonté aussi de se dissocier de ce qu'il appelait la planète de la semaine, c'est-à-dire vraiment de faire un space opéra, mais qui va vouloir être, dès le départ, il le dit lui-même, de la SF naturaliste. Ah oui, exactement. Il a écrit ce qu'on appelle un manifeste en 2003, décembre 2003, où il explique clairement les choses. Il veut de la science-fiction naturaliste. Il l'appelle également réaliste. Et en gros, ça veut dire l'anti-Star Trek. Il a beaucoup de respect pour Star Trek, mais il explique, voilà, il faut qu'ici ce soit plus les voyages dans le temps, les jumeaux diaboliques, tout ce qu'on connaît de Star Trek, la planète de la semaine, les aliens de la semaine, etc. On veut plus de ça, on veut quelque chose de plus terre à terre, si je puis dire. Quelque chose qui puisse enfin être plus réaliste, qui montre par exemple l'impact psychologique que peut avoir l'espace, que peut avoir le fait d'être perdu très loin dans l'espace, tandis que l'humanité, la plus grosse partie de l'humanité a été détruite. C'est ça que je veux enfin pouvoir faire dans ma série. Jean-Claude Audin, il le dit, Ronald D. Moore, introduire le réalisme dans un genre jusqu'à présent solidement irréaliste, et c'est vraiment peut-être le plus marquant de Battlestar Galactica, c'est que d'un seul coup, c'est de la science-fiction, télévisuelle qui plus est, qui n'est plus du tout filmée comme de la science-fiction. Oui, elle est quasiment, dans certaines parties, elle est quasiment filmée comme un documentaire. Absolument. Embedded, et il faut rappeler que voilà, c'est la guerre d'Afghanistan, on sort de la guerre en Irak. Et une volonté de réalisme extrêmement important, alors qu'à ses limites, bien évidemment, du fait du genre. Mais c'est effectivement indéniable. Même avec un soin dans la représentation des personnages, et en particulier des créatures artificielles, pour les rendre crédibles. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des séries ou des films de science-fiction. Moi, je me souviens, en découvrant cette série, quelque chose qui m'avait vraiment marqué visuellement, c'est cette façon, dont on peut peut-être dire un mot, de filmer les combats spatiaux. C'est-à-dire que déjà, d'une, il n'y a pas de laser, on tire à munitions réelles. D'ailleurs, parfois, les munitions manquent, ça devient des enjeux militaires et économiques. Et surtout, cette guerre dans l'espace, elle est filmée quasiment dans le silence. Et surtout, on cherche l'action. C'est-à-dire que vraiment, la caméra, ça va trop vite et on a du mal, on perd, on retrouve, on fait le point. Oui, bah, son idée qu'il explique très clairement, c'est qu'il veut qu'on ait l'impression que ce soit un documentaire ou un reportage de guerre, et que donc il y a un caméraman qui soit là et qui cherche à filmer et qui retranscrit finalement le chaos que peut être la guerre. Il faut pas qu'on entende de son dans l'espace, sauf si le caméraman fictif se situe à l'intérieur d'un des vaisseaux, par exemple, où là on peut entendre le son, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose pour lui qui est fondamental. Il veut respecter le plus possible le réalisme scientifique et aussi donc le réalisme documentaire, en s'inspirant beaucoup, le dit-il d'ailleurs, de films de guerre. Je proposais aux auditeurs de poser quelques questions en utilisant les hashtags Battlestar Galactica et la Metsi. Justement, nos camarades de Galactifrac posent une question qui me semble être une question intéressante sur le réalisme scientifique de Battlestar Galactica. Alors évidemment avec les limites qu'a signalé Jean-Claude Audin, mais finalement il y a une vraie volonté d'être non pas à 100% scientifiquement correct, mais en tout cas d'avoir peut-être... Alors est-ce qu'il y avait des conseillers, est-ce qu'il y avait des scientifiques qui ont travaillé à l'écriture sur les scénarios? Médiachouche. Je connais pas l'identité des conseillers, mais oui, évidemment, il y avait des conseillers. Il faut dire que Moore lui-même, en fait, il connaissait assez bien finalement le domaine, mais surtout, il s'inscrivait beaucoup en faux par rapport à Star Trek et le techno-jargon de Star Trek. Il voulait absolument éviter ça, en fait. Donc, c'était plus l'écueil, en fait, du pseudo-scientifisme qu'il pouvait y avoir dans Star Trek qui le rebutait. C'était surtout ça qu'il cherchait à rejeter pour avoir quelque chose de beaucoup plus terre à terre, donc à nouveau, et c'est aussi pour ça qu'on a finalement peu de technologie avancée dans la série, parce que c'était une facilité scénaristique dont Star Trek s'est fait spécialiste, qu'il voulait absolument éviter. Jean-Claude Audin, un mot ? Oui, c'est une volonté de réalisme, alors qu'il faut pas pousser à l'extrême, parce que quand on regarde les créatures artificielles, ces fameux Cylons, on a atteint un tel niveau dans Battlestar Galactica que, en fait, ils sont crédibles et il les rend crédibles, mais on sait aujourd'hui, en tout cas du point de vue scientifique et avec les connaissances qu'on a, que c'est quasiment irréalisable d'un point de vue technologique et pour un certain nombre d'années encore. Quoi. On est dans l'incapacité de faire des robots qui soient aussi performants et surtout dotés de conscience. C'est-à-dire que on s'aperçoit que cette question est levée assez rapidement dans la série. Les robots sont non seulement intelligents, mais ils ont presque une conscience comme nous. Et donc ça, c'est un gros sujet et avec toutes ces limites qu'on connaît aujourd'hui. Arrive donc décembre 2003, la première mini-série de 2 épisodes d'1h30 qui est diffusée sur Sci-Fi Channel, d'abord en Grande-Bretagne, et avec quasiment les premiers mots prononcés dans cette série qui donne le ton, qui va être le ton métaphysique de l'ensemble de Battlestar Galactica. Are you alive? Êtes-vous vivant? Are you alive? Yes. Alors je précise que pour plein de raisons, on a diffusé et choisi de diffuser des extraits en version originale, donc évidemment on vous les traduira pour entendre la voix des comédiens et par souci de respect de l'œuvre originale, donc si vous n'êtes pas anglophone, ne désespérez pas, on vous racontera, ce sont des extraits relativement courts, ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être, je sais pas, qui veut décrire cette scène d'ouverture des mini-séries de Battlestar Galactica? Jean-Claude Audin, Médiachouche. Alors, il faudra me rafraîchir la mémoire. Alors, la scène d'ouverture, ça commence par ce vaisseau dans lequel les Cylons doivent arriver depuis 40 ans. Il y a eu une guerre entre l'intelligence artificielle et les êtres humains qui sont installés sur 12 colonies. Et puis, tous les ans, voilà, ça y est, ça vous revient. Ouais, ça me revient. Les êtres humains envoient un émissaire. Oui, et qui attend chaque année, qui attend le retour de l'émissaire des Cylons pour pouvoir parlementer et qui ne revient pas. Donc, il s'est lassé. On sent que c'est une affaire de routine pour lui. Jusqu'à ce que, enfin, le grand retour du vaisseau. Les portes s'ouvrent, et là surgit la grande surprise. Il s'attend à voir des Cylons mécaniques, des grippins comme on dit. Or, une superbe femme, blonde, s'approche de lui et lui pose cette fameuse question. Et donc, il se demande, et on se demande effectivement, ce qui peut bien se passer à ce moment-là. Et donc, on va pitcher rapidement. Alors, je vous le dis, on ne va pas vous donner d'éléments plus qu'au-delà de cette mini-série initiale. Et puis, on parlera évidemment du reste de la série. Mais ce qui se passe, et ce qui est d'ailleurs le point de départ de Galactica, de la série originale, c'est que les Cylons reviennent. Ils ont évolué technologiquement. Ils sont en surnombre. Ils sont beaucoup plus puissants. Et Galactica s'ouvre par la destruction des 12 colonies où vit l'humanité, et n'arrivent à s'échapper que quelques-uns des vaisseaux, qu'environ 50 000 êtres humains, commandés par le Battlestar Galactica, qui est le plus vieux vaisseau de guerre, et donc qui n'a pas pu être piraté par le virus des Cylons, parce qu'il n'est pas encore en ligne, parce que tout est un peu old school, un peu ancien. Qu'est-ce qui change profondément, ou ontologiquement en fait, entre cette nouvelle mini-série et ce que proposait Glenn Larson dans Galactica 78, Jean-Claude Audin? En tout cas, du point de vue de certains des personnages centraux, c'est-à-dire les créatures artificielles, les robots, on va trouver finalement l'arsenal, toutes les variétés finalement de créatures artificielles. Et ça, c'est relativement nouveau. Non seulement on a des robots un peu classiques, mais aussi on a des humanoïdes qui sont issus de la bio-ingénierie et qui sont quasiment, en tout cas visuellement, équivalents aux humains. Et ça, c'est relativement nouveau. On va trouver des virus informatiques, on va trouver des cyborgs, c'est-à-dire des vaisseaux qui sont à la fois des machines, mais avec une partie organique. Et donc ça va donner une richesse au niveau des intrigues. Et cette question d'ailleurs, êtes-vous vivant, en fait on peut la retourner, c'est une question centrale finalement dans les créatures artificielles. Est-ce que c'est vraiment vivant, est-ce que c'est conscient, et moi, est-ce que je suis vivant, est-ce que je suis conscient, quelle est la différence entre l'humain et l'artificiel? Et donc c'est les questions centrales dans la série qui sont abordées. Mehdi Achouche, peut-être aussi quelque chose d'important qui va avec ce sentiment de science-fiction réaliste, c'est que Battlestar Galactica, immédiatement, est aussi une série éminemment politique, est une série post-11 septembre et qui va vraiment faire ce que la SF, ce que la meilleure SF sait faire quand elle s'en empare, c'est-à-dire transfigurer l'actualité pour bien parler des enjeux contemporains à travers le prisme du futur et de la science-fiction. Oui, exactement. Dès le début, c'est flagrant à quel point le 11 septembre est reflété. C'est fou, et le thème principal finalement de la série. Quelque part, dès le début, on ne peut pas ne pas penser aux attaques de New York, sur les attaques de Caprica notamment. Dès le début, le premier épisode, après le téléfilm, on va pas trop parler des épisodes suivants, mais on a un mur avec des photographies des victimes et des bougies qui fait penser au mur similaire à New York. Dans les à l'intérieur du Galactica, voilà. Il y a un endroit où viennent se recueillir les gens, où chacun vient afficher sa petite photo, et c'était évidemment... Il y a une photographie également, une photographie noir et blanc qui commémore les attaques, qui fait également penser à la fameuse photographie du drapeau qui hissait à New York, et ça a été explicitement reconnu par Ron Moore. On a, sans trop spoiler la suite, mais on a des attentats suicides à bord de la flotte. On a une sorte d'équivalent du Patriot Act qui est passé, qui instaure des tribunaux d'exception, et on parle de chasse aux sorcières. Il y a la paranoïa qui s'installe, puisque désormais les Cylons nous ressemblent, donc ils sont infiltrés à bord de la flotte. On ne sait pas qui est un terroriste, et c'est le mot qu'on emploie tout le long de la série. Et puis finalement, on a bien sûr, dès la première saison, la question de la torture, qui est utilisée, l'éthique de la torture. Alors justement, peut-être avant de passer à ces différents thèmes et à la façon dont ils sont abordés, l'un des coups de génie de cette mini-série qui va donc déboucher plus tard sur 4 saisons, et on va évoquer ces différentes saisons et ces thématiques qui sont déroulées, et l'extrême modernité de leur approche de plein de thèmes, on va en parler dans un instant, mais il y a cette chose qui cette idée géniale qui conclut la mini-série, c'est que à la fin de la mini-série, on va le dire, et ce sera la dernière chose qu'on vous dira si vous n'avez pas vu la série, c'est que on apprend effectivement que les Cylons, donc on le sait, ont pris forme humaine, mais que certains sont cachés dans l'équipage, qu'ils ne sont peut-être même eux-mêmes pas au courant qu'ils sont des Cylons, et qu'à la fin de la mini-série, on en connaît 4, et en tout, il y en a 12 comme les 12 planètes. Et à un moment donné de la première saison, bien la nouvelle présidente, dont on va reparler dans un instant, est bien obligée d'avouer à son équipage ce qui est en train de se passer et de leur parler de la réalité, de la menace qui plane à l'intérieur d'eux-mêmes. On est un priest. Please raise your right hand and repeat after me. I, Laura Roslin. Alors c'était l'extrait d'après, c'est la façon dont Laura Roslin va prêter serment pour devenir présidente, on va en parler dans un instant, mais d'abord le moment où elle annonce à l'équipage qu'il y a donc des ennemis de l'intérieur. The Cylons have the ability to mimic human form. They look like us now. We have reason to believe that a Cylon agent was responsible for the explosions aboard Galactica. This man has been identified as a Cylon agent. We believe him to be responsible for the bombing. He evidently slipped aboard the Galactica with a civilian group. Killed a Marine guard, stole the explosives and detonated them, killing 3 members of the crew and destroying himself. This man has also been identified as a Cylon. And we now know that there are duplicates of each Cylon model. Anyone seeing either of these two men at any time, anywhere in the fleet, should immediately contact the Battlestar Galactica and the office of the president. Voilà la voix de Marie McDonnell qui joue Laura Roslin. Idée géniale parce que à la fois garante d'un suspense incroyable qui va tenir d'ailleurs jusqu'à la fin de la dernière saison, puisque l'un des enjeux de la dernière saison sera de savoir qui est le final one, qui est le dernier Cylon qui sera révélé. Et puis surtout, idée géniale parce que l'ennemi de l'intérieur, le terroriste qui est caché, là comme on vient de l'entendre, qui s'est fait exploser pour faire un attentat, on est très très très peu de temps après le 11 septembre. Donc il faut vraiment se remettre en situation. La série elle commence en 2003, ces épisodes-là ils sont diffusés en 2004-2005. On est vraiment en plein milieu de ce qu'on appelle à ce moment-là la guerre contre la terreur, c'est l'Amérique de George W. Bush, et il y a cette suspicion terrible qui existe aux États-Unis, et la suspicion sur chacun, et en particulier évidemment les musulmans, sur cette idée que chacun pourrait être un terroriste potentiel. Et c'est vraiment ça, je pense, le thème central de la première saison et de la série, c'est cette paranoïa, et comment fait-on pour assurer la sécurité tout en respectant les libertés individuelles. Il y a ça, et tout ça en plus sur le lit d'une controverse théologique, puisque nous avons d'un côté la population humaine, ou en tout cas les 50 000 humains qui restent, qui sont polythéistes, qui ont un système religieux tout à fait développé, et d'ailleurs qui va être explicité au fur et à mesure, avec une prophétie qui est un système finalement très archaïque, religieux, qui fait penser aux anciens polythéismes de l'Antiquité, tandis que les Cylons, eux, sont monothéistes, et il va y avoir une guerre des religions en sourdine, et puis parfois de façon évidemment très brutale, Jean-Claude. Alors, on a parlé déjà de la dimension, et je pense qu'on en reparlera, la dimension politique de la série, hein. Mais il y a aussi une réflexion sur les religions extrêmement importante avec cette opposition, vous vous rappelez, entre le monothéisme et puis le polythéisme qui est dans la série, inspiré à la fois par l'Olympe, à la fois par les signes du zodiaque. Enfin bon, c'est un petit peu étrange quand on regarde cette religion, mais voilà, c'est mais qui tire aussi ses racines dans des croyances relativement anciennes. Et puis je voulais revenir sur le point aussi que dans cette histoire de suspicion, il y a une idée de génie qui fait qu'il y a un nombre restreint de Cylon. Et en fait, ça va apporter aussi une dimension à l'intrigue extrêmement intéressante, qu'on ait finalement des clones, encore une forme de créatures artificielles qui sont présents et qui ont quasiment un esprit de ruche, hein, et donc ça va apporter également avec des phénomènes de résurrection qui vont apporter énormément à cette série. Et c'est vrai qu'ils croient à un dieu unique, et ce qui est relativement surprenant. Et qui vont d'ailleurs transformer l'un des membres, ben justement le fameux professeur Baltar, le traître, la figure du traître, qui va devenir d'ailleurs un des héros et un des prophètes de cette religion monothéiste, qui va fonder une sorte de secte, de culte. Enfin, tout ça est assez bien développé. Oui, tout à fait. Mais pour revenir sur l'idée de ruche, il faut quand même se rappeler que Ron Moore, il dit expressément dans son fameux manifeste, ils ne doivent pas avoir l'esprit de ruche, ce ne sont pas les Borg de Star Trek La Nouvelle Génération. Contrairement aux robots de la première série, qui eux étaient des robots qui obéissaient uniquement à la logique, qui voulait tout exterminer, raisonnement froid, etc. Enfin, le cliché du robot. Le coup de génie de Ron Moore, c'est de faire de ces machines-là, en fait, des personnages qui croient en Dieu, qui sont des fanatiques religieux, tout ce qu'on n'attendrait pas, en fait, des machines. Elles sont beaucoup plus irrationnelles, finalement, que des êtres humains. Ouais. C'est ce renversement-là qui est incroyable. Et elles sont par ailleurs aussi, on découvre au fur et à mesure, alors on va découvrir des choses dans les spin-offs, mais on va découvrir qu'elles sont finalement chaque fois un peu plus humaines, jusqu'au moment où elles sont même biomécaniques pour certaines d'entre elles. Voilà, il y a du sang dans l'espace en fait. Oui, tout à fait. Et puis plus elles cohabitent avec les humains, plus elles infiltrent, plus elles ont des rapports avec elles, et plus en fait elles s'humanisent et elles commencent à se poser des questions. Et en fait, la frontière qui était clairement marquée au tout début, entre humains d'un côté, robots de l'autre, elle disparaît en fait. Et puis avec la question, est-ce que je suis un Cylon, voilà. Finalement, de part et d'autre, il y a ce questionnement sur la vie, en fait, fondamental. Est-ce que je suis vivant? Est-ce que je suis humain? Qu'est-ce que c'est que l'humain, finalement? Et ça, c'est des questions qu'on retrouve, effectivement, philosophiquement, dans tout ça. C'est vraiment extraordinaire, parce qu'on a d'un côté ce genre de science-fiction humaniste qui est, finalement, l'autre est comme moi, etc. Il faut qu'on réussisse à surmonter nos différends. Bon, mais aussi le côté post-humaniste qui est effectivement, mais qu'est-ce que l'humain finalement, et quelle est la vraie différence, y en a-t-il vraiment une, quand j'aime, quand je réfléchis, quand je ressens de la colère, finalement, est-ce que c'est pas une programmation? Et c'est la façon dont la série réussit à ramener les deux, en fait, l'aspect politique de la série et l'aspect philosophique, qui sont vraiment très cohérents, qui fonctionnent très bien l'un avec l'autre. Et puisqu'on on va redécouvrir aussi un peu ces personnages, alors c'est vrai qu'on se disait au début, il est déjà 16h40, qu'il nous faudrait 3 heures et peut-être même 4 voire 6 pour parler, pour faire le tour de cette conversation, des personnages très forts, des personnages féminins très forts, et je voulais vous faire écouter aussi les liens, non seulement avec l'activité, mais avec l'histoire collective, avec l'histoire des traumatismes collectifs, celui de ce moment où Laura Roslin va prêter serment. Qui est Laura Roslin? C'est la 43e dans l'ordre protocolaire, c'est la secrétaire d'État à l'éducation, mais comme tout le monde a été massacré, c'est la dernière représentante du gouvernement. Et selon le protocole, eh bien, c'est elle qui va devenir la présidente de l'humanité restante. Et écoutez une fois de plus la voix de Mary McDonnell, et écoutez ce moment où elle prête serment alors qu'elle sait qu'elle est à deux doigts de mourir d'un cancer. On need a priest. Please raise your right hand and repeat after me. I, Laura Roslin. I, Laura Roslin. Do now avow and affirm. Do now avow and affirm. That I take the office of the president of the 12 colonies of Kobol. That I accept the office of the... That I accept the office of the president of the 12 colonies of Kobol. And that I will protect and defend the sovereignty of the colonies. And that I will protect and defend the sovereignty of the colonies. With every fiber of my being. With every fiber of my being. C'est l'anti-Trump. Sur un filet de voix, le jeu incroyable de Mary McDonnell. On peut dire que, alors il y a évidemment, quand on pense science-fiction, on pense Galactica, on pense vaisseau de guerre, on pense militaire, on pense, voilà, tout cet aspect belliqueux. Mais l'un des traits de génie de cette série, c'est justement ce personnage de Laura Roslin, condamné par un cancer, qui survit et qui d'un seul coup passe de secrétaire de l'éducation à présidente, et qui tient ce tableau, ce compte des êtres humains qui restent en vie, qui commence à 50248 de mémoire et qui va baisser inexorablement. Un mot sur Laura Roslin. C'est un coup de génie parce que dans la précédente série, le président meurt dès le pilote et puis on n'en parle plus, etc. Tandis que là, l'idée, on va la garder et on va explorer l'aspect politique et politicien de la série, les élections, le choix du président, du vice-président, les petits complots, les petits... La relation entre l'armée et le politique. Bien sûr. À la Maison-Blanche, dans l'espace, quelque part. Hein. Oui. Ça se passe dans un vaisseau qui s'appelle le Colonial One, qui est donc l'Air Force One. Et ce qui est formidable, c'est que la série interroge des choses qu'on a jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, pas vues dans la science-fiction ni télévisuelle, ou peut-être cinématographique, et encore, je ne sais pas, c'est de se dire, quand il reste 50 000 êtres humains, que la survie de l'espèce est en jeu, eh bien, si cette flotte est dirigée par un vaisseau militaire, alors c'est donc de facto une dictature. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être en dictature? Qu'est-ce que c'est que réinstaurer une démocratie? Quel est le pouvoir et quel est le lien? Et ça, je dois dire que c'est un des enjeux passionnants, particulièrement dans la première saison. C'est passionnant, en particulier dans la première saison, mais également dans la saison suivante, parce que ce qu'est fort, sans vouloir révéler trop de la série, mais finalement, Laura Roslin commence un peu comme un personnage idéaliste qui veut absolument protéger les libertés fondamentales, tandis que Adama, le commandant militaire, lui, c'est la sécurité, lui, c'est les armes, etc. Et puis, plus la série va avancer, et plus les choses vont se retourner, se compliquer, et en fait, ça va presque être l'inverse. Il y a cet épisode, on peut dire sans révéler, il y a un épisode extraordinaire, donc elle est une femme, elle est féministe, c'est important, et il va, quand la survie de l'humanité est en jeu, il y a un épisode où elle s'interroge sur la possibilité d'interdire l'avortement pour la survie. Et c'est ce type de, voilà, c'est y a beaucoup de questions qui sont politiques, sociétaux. Extrêmement moderne. Et de dilemmes qui sont très puissants, me semble-t-il. Visionnaire sur la place des femmes dans la société. C'est-à-dire que c'est rare une série où les personnages, je dirais pas tous les personnages principaux, parce qu'il y a bien sûr Adama, il y a les personnages Baltar, il y a des personnages très forts du point de vue masculin. Mais de mon point de vue, ce sont les personnages féminins qui emportent la série. Aussi bien du côté humain que du côté des créatures artificielles, des Cylons. Voilà. La place des femmes est extrêmement importante dans cette série. un mot sur l'autre grand personnage féminin, le trait de génie, d'avoir transformé Starbuck, cette tête brûlée, cette Indiana Jones de la série de 78, en un personnage féminin. Parce qu'en 78, c'est Doug Benedict qui joue le Han Solo de la série, qui est un grand séducteur qui fume son cigare, et d'un coup ça devient une femme qui fume également un cigare, qui au début également est une grande séductrice, qui est pilote de chasse, et qui donc qui inverse totalement en fait les stéréotypes de genre en fait dans la série dès le début. Et donc ça, ça a pas forcément plu à certains fans, et y compris à l'acteur Doug Benedict qui s'est outré en fait de cette transformation et qui estimait qu'en fait la série avait un agenda très très féministe qui ne lui plaisait pas du tout. Et quand on demande à Starbuck, qui a un lien avec le commandant Adama, puisqu'elle a été la petite amie de son fils mort au combat, eh bien un lien qui va être aussi là, un des liens forts dans l'évolution de ces personnages sur 4 saisons. Et ce lien, il est intégré, représenté par un échange qui revient comme un gimmick tout au long de la série. Pass me through to Starbuck. Sir. What do you hear? Starbuck, Galactica. Grab your gun and bring the cat in. Aye, aye, sir. Coming home. What do you hear, Starbuck? Nothing but the rain. Qu'est-ce que tu entends, Starbuck? Rien d'autre que la pluie. Ce lien-là, c'est marrant parce que c'est effectivement ce que vous disiez, Mehdi Hachouch. Cette figure de tête brûlée qui est systématiquement une figure masculine, eh bien, Starbuck va les incarner et tout en les modifiant petit à petit parce qu'elle joue cette dure à cuire, cette pilote tête brûlée qui veut partir, comme on entend dans cet extrait, tuer tout le monde sans trop réfléchir en appuyant sur la gâchette. Oui, tout à fait. Elle commence comme ça, mais elle va évoluer. Ce qu'il y a de fort avec tous les personnages, c'est qu'en fait, on peut pas les décrire par un mot ou deux. Ce ne sont pas des stéréotypes. Ils commencent peut-être comme des stéréotypes, mais en fait, elle va révéler, en fait, également ses failles, ses faiblesses. C'est pourquoi elle porte ce masque aussi de dur à cuire. Et donc, ça fait partie plus largement du renversement qu'opère la série partout. Le président est une femme. Le pilote, l'homme d'action par excellence, est une femme. Tandis que d'autres personnages seront également transformés au niveau de l'appartenance raciale, etc., par rapport à l'ancienne série qui renverse totalement, finalement, les idées préconçues que peut avoir le spectateur quand il commence la série. Et donc, puis, au travers de Starbuck, on pose aussi la question de la destinée et des questions philosophiques extrêmement importantes sur les choses qui doivent arriver. Donc, on va parler dire ce qui se passe vous l'avez promis au début de cette émission. Je le jure. Starbuck d'ailleurs moi je dirais que c'est plus une révoltée qu'une tête. C'est vrai qu'elle a un côté tête brûlée, mais c'est une révoltée. D'ailleurs son nom provient d'un personnage dans Moby Dick qui s'oppose au capitaine. Donc ça, c'est intéressant. C'est une révoltée, hein, Starbuck. Ce qui est intéressant, et on reviendra aussi sur l'évolution tout à l'heure en extrait sonore du personnage de Laura Roslin avec un extrait de la dernière saison cette fois-ci. Mais j'aimerais qu'on revienne sur Starbuck et sur ces dilemmes politiques qui font vraiment tout le sel et la puissance de cette série Battlestar Galactica, notamment très vite. Évidemment, se pose, puisque l'enjeu c'est la survie de l'humanité, se pose la question de jusqu'où on peut aller, à plein d'égards. Il y a notamment un épisode très tôt dans la première saison où Starbuck se retrouve avec quelqu'un qui a caché une bombe nucléaire sur le vaisseau. C'est un Cylon qui ressemble à un être humain. Voilà. Que faire, Mehdi Hachouch ? Et ce qu'il y a de vraiment intéressant avec ça, c'est que c'est un scénario qui circulait vraiment. C'est un peu de la politique fiction, et on expliquait à l'époque, pour justifier la torture du gouvernement Bush, imaginez si un jour, demain, Los Angeles, New York, on sait qu'il y a une bombe atomique cachée quelque part, est-ce qu'il faudrait pas utiliser la torture pour faire avouer le terroriste en question? Take off the gloves, enlever les gants, ce qui est une expression qui est reprise en version originale dans Battlestar Galactica. Exactement, donc il y a vraiment un parallèle explicite, évident, qui est opéré, et donc on voit cette mise en scène et cette mise en jeu, quelque part, de la torture qui est exécutée littéralement par cette femme qui n'a aucun remords, aucun scrupule au début en tout cas, à faire subir le supplice de la baignoire, etc. à ce personnage. Et au final, plus l'épisode avance et plus on commence, moi j'ai commencé à ressentir de la sympathie pour ce personnage qui pourtant est un terroriste fondamentaliste, mais qui quelque part est en position de victime. Et c'est une des choses, je crois aussi, qui est très importante dans cette série, c'est que face à ces dilemmes, on pourrait croire que dans une série classique, eh bien, les héros sont toujours du bon côté de l'histoire. Or, Starbuck, dans cet extrait, finit par céder à la torture, comme d'autres personnages plus tard. Il y a cette phrase très très forte d'Adama à un moment donné, puisque se pose la question de maintien de l'ordre dans cette flotte disparate de moins de 50 000 êtres humains. Et Adama dit alors à Roslin, il y a une raison pour laquelle on sépare l'armée et la police. L'un combat les ennemis de l'État, l'autre sert et protège les citoyens. Lorsque l'armée remplit les deux tâches, alors les ennemis de l'État ont tendance à devenir les citoyens eux-mêmes. Ça résonne très fort, et ça résonne encore plus fort aujourd'hui même, en 2019, Jean-Claude Dedin. Bah, c'est clair, quand on annonce qu'on va utiliser l'armée pour dans des cadres de gestion de manifestations, par exemple, ce sont des phrases dans Battlestar qui résonnent évidemment complètement. Qui ont été reprises pendant le printemps arabe en Égypte. Oui, oui. En Égypte notamment, oui, ils ont cité à Adama, tout à fait, des manifestants aux États-Unis l'ont cité. Enfin, on retrouve de nombreuses traces autour du monde, en fait, de cette citation, de cet épisode de Battlestar Galactica, ce qui montre bien quand même que cette série de science-fiction, qui a priori est très loin de nous, en réalité, part du monde de 2003-2004, mais aussi 2019, oui, bien sûr. Alors, la torture est quand même justifiée dans Battlestar par le fait que ce sont pas a priori des humains. C'est ça. Ce sont des machines, et avec tous les poncifs qu'on peut avoir autour. Mais sauf qu'on se rend compte ensuite qu'il y a des histoires d'amour entre des machines et des humains, et que se pose la question de la procréation entre les deux espèces. Tout est fait dans ce qu'on voit dans les scènes pour nous les montrer le plus vivant possible. Donc ça va à l'encontre finalement de... C'est là qu'on voit tout l'intérêt d'utiliser la science-fiction. On est en train de déshumaniser l'autre. L'ennemi. Donc, comme c'est commode, quand il s'agit d'un robot, évidemment, là, on peut le déshumaniser. Or, la série montrera qu'en réalité, entre les humains et les robots, la frontière, comme on l'a dit, n'existe quasiment pas. Et sur ces fameux dilemmes moraux, politiques, sociaux, on voit bien que, après cette phrase forte d'Adama, qui incarne pourtant un capitaine très humaniste, qui reste malgré tout un militaire, il va finir par faire ouvrir le feu sur des manifestants. Oui, tout à fait. C'est là que Des morts. Enfin, avec des morts, oui. D'ailleurs, la mise en scène fait une référence au massacre de Kent State en 1970. C'était le titre de travail de l'épisode. Ouais, exactement. Donc, la série cherche tout le temps, en fait, à déranger, à surprendre nos attentes quand on a enfin identifié un personnage comme étant le militariste, l'idéaliste, celui qui protège les valeurs fondamentales, la liberté, la démocratie, et celui qui, au contraire, veut enlever les gants. Et ben, il retourne les choses, il montre qu'en réalité, ces personnages peuvent changer d'avis, peuvent évoluer, sont surtout contradictoires. Et vous avez entendu, vous vous souvenez il y a quelques minutes, cette voix étouffée, serrée de cette secrétaire d'État à l'éducation qui est propulsée présidente de ce qu'il reste de l'humanité, de 50 000 personnes perdues dans l'espace. Ce personnage de Laura Roslin qui lutte par ailleurs contre un cancer qui voit ses jours compter. Écoutez, bien plus tard dans la série, ça n'est plus tout à fait le même ton. This is Tom Zarek, president of the 12 colonies. It's done, Cora. You have to think about the people of this fleet now and surrender. No. Not now. Not ever. Do you hear me? I will use every cannon, every bomb, every bullet, every weapon I have down to my own eye teeth to end you. I swear it! I'm coming for all of you! Un des moments qui pour moi est peut-être l'un des plus forts de cette série Battlestar Galactica, où Laura Roslin finalement perd complètement pied et menace de détruire la moitié de la flotte par blessure, une blessure qu'on va taire évidemment, mais un mot sur l'évolution de ce personnage, Média Chouch. C'est ça, c'est qu'elle commence vraiment, personne ne la prend au sérieux car elle était effectivement ministre de l'éducation, etc. Elle était 43e, c'est ça, dans la lignée de succession de la présidence, donc le personnage totalement improbable, qui en plus, on l'apprendra plus tard, effectivement, a des problèmes médicaux. Et donc, là où personne ne la prend au sérieux, elle-même y compris, elle va se révéler notamment être capable de, mais être capable d'être aussi sournoise que les autres politiciens pour se maintenir au pouvoir, et être capable d'être aussi dure, et d'être capable d'utiliser les mêmes armes, littéralement, pour contrer la menace que n'importe qui d'autre, et même plus encore que les militaires. Donc c'est une évolution vraiment flagrante, frappante, et une des plus intéressantes de la série. Jean-Claude Dedin. Comme vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, les personnages sont assez stéréotypés au départ et on s'aperçoit qu'ils progressent et on entre dans des zones grises avec des questions philosophiques, des questions politiques qui vont du coup surgir et avec la difficulté de la décision à la fois du côté de Laura mais aussi du commandant Adama avec ses prises de position qui sont extrêmement intéressantes et qui éclairent finalement beaucoup notre réalité. Et avec surtout, comme on l'a entendu, cette puissance scénaristique incroyable qui est que le dilemme n'est jamais, on ne s'attend jamais, on pourrait se dire ça va toujours tomber du bon côté, à la fin les personnages en sortent grandis, font le choix moral, or le choix moral est rarement ou pas toujours fait. Enfin, c'est-à-dire que le suspense est vraiment toujours entier quant à ces situations qui deviennent vraiment particulièrement complexes à gérer sur un plan C'est exactement ce que voulait faire Moore quand il parlait d'anti-Star Trek. Mmh. On n'est pas avec le capitaine Kirk qui a toujours raison. Voilà. Qui, même quand on ne croit pas, il a raison et les choses se terminent très bien et il est du côté de la morale. Il explique, il fait la leçon aux autres. Voilà ce qu'il fallait faire. Happy ending jusqu'à la prochaine fois. On est vraiment dans l'inverse total. Il y a autre chose que j'aimerais évoquer, alors en dehors du thème, et on aura compris, je pense, et j'espère que les auditeurs de ce que j'en lis sur Twitter, apparemment, on leur donne envie de revoir cette série. Et je dois dire que moi-même, je m'y suis replongé depuis quelques jours et ça n'a pas vieilli d'un poil. Hein, c'est toujours aussi passionnant. C'est la musique. La musique de Bear McCreary qui arrive donc sur la deuxième saison avec ses tambours de guerre et ses guitares tribales. Écoutez. Voilà cette musique qui est, on l'a dit, à la fois tribale, à la fois futuriste, presque rituelle. Oui, c'est incroyable parce que ça prend entièrement le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre. Dans la série originelle, c'était la musique symphonique, classique dans les deux sens du terme. Et là, au contraire, on n'a pas du tout ça en fait. Et moi, je me rappelle très bien que quand j'ai commencé à regarder la série, c'est ce générique qui m'a surpris, et les percussions. Je m'attendais à tout, sauf à ce type de bande-son. Et au début, j'étais surpris et un peu dérangé. Je me disais, mais non, c'est pas ça qui est censé être la science-fiction. Et en fait, ils m'ont vaincu. Non, au contraire, c'est une musique en plus très inventive tout le long des quatre saisons. Jusque dans la dernière saison, il invente encore des thèmes au piano, à la guitare, etc. pour caractériser chaque personnage. Et des thèmes qui prennent une ampleur et une importance par ailleurs dans le déroulé du scénario. Voilà. Oui, avec cette reprise de Bob Dylan dont on ne dira rien. Les petites musiques vont avoir finalement un rôle extrêmement important. Et se révéler, et là il faut rien dire, donc on est un peu embêté maintenant. Mais on ne dit rien, mais All Along the Watchtower, qui est une reprise de Dylan. Un mot pour peut-être dire cette fin, alors pour trouver aussi des défauts à cette série, une fin un peu, mais qui est à chaud, je lève les yeux au ciel, cette fin un peu précipitée, coupée en deux à cause de la grève des scénaristes, la série devait faire 5 saisons, milieu de la 4e, grève des scénaristes, ça s'interrompt finalement, Ronald D. Moore décide, et puis avec Sci-Fi, de précipiter la fin. Oui, on a un peu l'impression que la fin est précipitée, notamment, et c'est important de dire, à cause de cette grève des scénaristes qui a fortement impacté la série. Après, il y a quand même une autre raison plus structurelle, qui est que la série se présente comme une série de science-fiction. Or, les fans, certains fans en tout cas, ont reproché à Moore et à la série de mettre un peu trop en avant l'aspect religieux, fantasy de la série, et d'avoir des explications au final qui revêtaient plutôt du fantastique que de la science et de la science-fiction. Donc c'était aussi une des autres raisons pour lesquelles certains fans ont été assez déçus finalement de ce dénouement. Jean-Claude Denain. Oui, mais moi je trouve qu'ils s'en sont quand même pas mal sortis. Oh non, mais on est tous d'accord pour dire qu'ils s'en sont plutôt pas mal sortis, mais il y a une rupture, de rythme par rapport à la saison 3, qui à mon sens est la meilleure. Il y a pas de gras, il y a pas un épisode acheté dans la saison 3, alors que dans la saison 4, ça. C'est un peu une malédiction, puisque dans le spin-off Caprica, qui est censé expliquer l'origine des Cylons, là aussi la fin va être un peu précipitée. Ouais. Pour cause d'interruption. Et de mon point de vue, ils s'en sortent beaucoup moins bien, quoi. Après, il faut aussi dire qu'il y a l'aspect feuilletonnant de la série, comme dans Lost, qui fait qu'ils ont soulevé de nombreuses questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Peut-être qu'ils ne savaient pas vraiment comment y répondre, et donc certains ont été frustrés de ce manque de réponse. Un mot pour conclure, la suite, Sam & Smile, hein, peut-être, une série en avril 2020. Est-ce qu'on peut encore raconter des choses dans l'univers de Battlestar Galactica? Je pense que oui. J'ai entièrement confiance, parce que j'adore moi aussi Mr. Robot, donc s'il y a quelqu'un qui est capable de faire une bonne série, c'est lui. Et je pense que la série a démontré, et les spin-offs également, que l'univers était bien plus large que cette flottille et que sa mission pour retrouver la Terre, et qu'il y avait d'autres choses à découvrir. Jean-Claude de Eudin, en un mot. La grande science-fiction construit des univers. Et Battlestar Galactica en est un des meilleurs exemples. Donc dans cet univers, il peut y avoir énormément d'histoires qui se déroulent. Eh bien, on va croiser les doigts, c'est annoncé pour avril 2020. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mehdi Hachouche, merci Jean-Claude Audin. On peut vous lire sur Science e-book, comprendre le deep learning. Merci également à Galactifrac. Je vous invite à vous inscrire sur leur fil Twitter @Galactifrac et sur les podcasts si vous êtes fan de Battlestar Galactica et francophone. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Florent Bujon à la technique. Demain à 16h, c'est la conversation scientifique avec l'ami Étienne Klein. Nous, on se retrouve lundi à 16h. So say we all.